l'essentiel, il est 17h. C'est la vie comme elle va. Le mercredi de 17h à 18h. Des histoires, des récits, des témoignages, de la poésie, du mystère, de l'émotion. La vie quoi, la vie comme elle va. Une émission pour ceux qui aiment lire, sortir, découvrir. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de la saison avec, comme d'habitude, l'inénarrable Eliane. Salut Eliane. Salut Irène. Et nos deux inséparables Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Eh bien bonjour. Bonjour, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Et je dirais même plus, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Pour cette dernière émission, eh bien, nous vous avons préparé un menu de choix. Nous commencerons par parler de l'Europe, mais nous donnerons surtout la parole à Laurent Godet, qui a réussi l'exploit de parler de l'Europe, mais en vers. Il fallait le faire. C'est Jean-Pierre qui présentera le livre du jour, « Les hautes lumières » de Xavier de Moulin. Ensuite, je vous présenterai un gros coup de cœur, « Changer l'eau des fleurs » de Valérie Perrin. Et puis Eliane nous parlera de « Mon amie Adèle » de Sarah Pinborough. Ensuite, nous vous parlerons des livres de l'été, quelques conseils de lecture, des livres à lire sur la plage, en montagne, en rando, ou simplement chez vous, oui, bien installé. Et puis, quelques conseils de sortie. Donc, comme vous pouvez le constater, le programme est copieux. Alors, moi, j'avais envie aujourd'hui de vous parler de l'Europe. Parce que c'est vrai, l'Europe est vraiment dans toutes les têtes, sur toutes les lèvres, surtout en ce moment. Alors, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui veulent la quitter. Et puis, il y en a d'autres qui veulent l'intégrer. Certains la voudraient différente. Bref, cette Europe, elle nous préoccupe. Et donc, Laurent Godet, qui est un de nos auteurs favoris, à La vie comme elle va, lui a écrit un livre, « Nous, l'Europe, banquet des peuples », où, justement, il se penche sur l'Europe, son histoire, son avenir, et donc il a décidé d'écrire en vers. Alors quand... VERS. Non, 2RES. quand pour la première fois j'ai eu entre les mains ce livre, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est encore un coup des anti-Europe. Oui, et quand j'ai eu entre les mains ce livre, je me suis dit qu'il fallait quand même un certain courage pour proposer de parler de l'Europe en utilisant des vers. Et puis je me suis intéressée de plus près à la chose, j'ai commencé à lire et franchement, c'est incroyable ce qu'il en a fait. Je vous lis le début. « Si vieux, si jeune ». Sommes-nous vieux ? Sommes-nous jeunes ? Quel âge avons-nous vraiment ? Parfois vieillard, parfois jeunesse élancée. Nous sommes les héritiers de tant d'années accumulées, longue fossilisation de langues, de cultures, dépôts successifs de tant de passés qui se sont mélangés, enrichis, superposés. Des strates de guerre, de commerce, d'échanges, de conquêtes. Nous sommes fils et filles de la sédimentation des siècles. Quel âge avons-nous vraiment ? Les frontières ont bougé, les pays ont grandi, les empires chuté. Nous sommes traversés d'un long fleuve d'histoire qui nous donne l'épaisseur du temps. Peut-être sommes-nous cela, des enfants vieux, alliance de la fatigue et de l'enthousiasme. Qui peut désigner le jour exact de notre naissance ? C'est dans le 19e siècle qu'il faut aller fouiller. Entrailles de modernité, boulons, marteaux et fièvre, nous sommes faits de la même chair, de la même nervosité. Siècles de conquêtes et de sueurs, de progrès et d'exploitation. C'est dans le 19e siècle qu'il faut fouiller, parce qu'il est comme nous. Il a inventé trop vite, il a pensé trop fort. Il faut plonger dans son ventre sale, sentir dessous ses bras d'usine, écouter sa voix cassée d'avoir trop hurlé sur les barricades. Le 19e siècle, parce que c'est le siècle du vertige et de l'appétit, bascule entre deux mondes, chancellement face à tant de nouveautés et de grondements. Quel est le jour de notre naissance ? Il faut le décider, alors je le dis. Palerme, le 12 janvier 1848. Quelque chose veut naître en ce jour lointain, quelque chose qui pousse jusqu'à faire voler en éclats les vieilles couronnes. Quelque chose va naître et ce sera d'abord rouge et grimaçant. Ça sentira les viscères et la sueur, mais c'est neuf. Palerme se soulève et c'est la première ville à appeler le printemps des nations. Nous sommes nés de l'utopie et du mécontentement. Écoutez les philosophes, les agitateurs, les révolutionnaires qui vont d'une capitale à l'autre. L'insurrection gronde, elle éclate en Sicile, sera reprise à Paris, de là rebondira dans toutes les capitales. De mots nouveaux sont sur les lèvres pour en finir avec les empires, des mots que l'on se transmet sous le manteau dans le secret des réunions clandestines. Nationalisme, indépendance, union et liberté. Et d'un coup, la foule les reprend, ces mots. À Milan, à Berlin, à Paris, on veut renverser le vieux monde, celui du congrès de Vienne qui restaurait les couronnes. On veut mettre à bas la mécanique de Metternich qui préférait l'ordre à la liberté. Des pays veulent porter un nom nouveau. Italie, Allemagne. Rien ne peut arrêter les peuples lorsqu'ils s'emparent de l'esprit des philosophes. On n'en peut plus de l'Europe restaurée, assise, arrogante, celle des Bourbons, des Habsbourg, des Hohenzollern. Depuis quelque temps, il y a des banquets en Europe. Et nous sommes nés de leurs murmures, de la passion glissée dans ces mots dits tout bas, mais qui aspirent à être clamés tout haut. 1848 est notre date de naissance, et cela fait de nous des enfants barricades, nés dans un fouillis d'armoires, de charrettes, de tonneaux, de palissades et de fusils. Et ça, c'est tout le livre qui est comme ça ? Absolument. Oui. Et qu'est-ce que tu en penses de ceux qui ont tourné le dos à l'hymne européen ? Moi, ça existe ? Mais et j'ai vu ça hier en direct à la télévision, à l'ouverture du... Je ne comprends pas, ils se font élire pour être... Et ils ont tourné le dos à l'hymne européen. Incompréhensible. Moi, je ne comprends pas. J'avoue. beau faire, on aura beau dire, il y a quand même une réalité que l'on ne peut pas nier. Nous sommes tous Européens. Absolument. Dur de prendre la relève après un tel hymne, Jean-Pierre. Ah oui, oui, j'ai pas le choix de toute façon. Ah bah oui, il va falloir s'y coller. Alors, tu vas nous emmener où pour ces hautes lumières? Je vais vous emmener dans la région parisienne, je vais vous emmener au Maroc. Mm-hmm. Voilà. Oh, c'est bien. Hein, bien. Enfin, on a parlé d'Europe et toi, paf, tu t'en vas au Maroc. Hein. Ouais, oui, mais moi, ah là là là là. Moi, on ne peut pas me canaliser. Eh bien, je vais vous emmener voir Nina et son mari Tahar. Alors, ces deux-là, ils essayent depuis 10 ans d'avoir un enfant. Je suis en train de voir. Nina, elle est coiffeuse. Ah. Bon, elle ne serait pas coiffeuse, ça ne changerait pas les choses fondamentalement, mais elle est coiffeuse. Elle est mariée avec Tahar, qui est un Marocain, et qui lui est chauffeur de taxi. Et si lui, il avait été autre chose que chauffeur de taxi, ça aurait peut-être changé les choses. Ils ont quitté leur cité pour emménager dans un pavillon, ce n'est marrant. Bon, ils ont des projets, ils veulent évoluer, et ils rêvent d'une grande famille. Mais voyez-vous, les années passent et pas de grossesse. 10 ans se passent, 5 fécondations in vitro, c'est le maximum. Et le verdict tombe, on ne peut plus rien pour vous. En suivant. Alors dans les traitements, Nina elle a laissé son élégante silhouette de jeune femme. Il lui reste ses kilos en trop, beaucoup de kilos en trop, et son désespoir surtout. Pendant tout ce combat, qui va quand même, le rappel de ce combat va prendre quelques pages dans le livre, Tahar est à ses côtés, il a envie d'être père autant que Nina a envie d'être mère, mais puisque la nature est ainsi, il est prêt, lui, à se résigner, ce que n'est pas prête à faire Nina. Alors, le père de Tahar, lui, il est marocain, bien sûr, il a émigré en France dans les années 60, comme de nombreux de ses compatriotes, et puis la carrière finie, il est retourné au pays, et c'est dans le petit village du Bled, qui n'est pas encore équipé d'électricité, d'eau courante, que Nina et Tahar se sont mariés. Alors, là-bas, au Maghreb, en fait, au Maroc, mais au Maghreb en général, l'enfant est roi. Et le jeune couple subit rapidement une pression insupportable. Chez nous, une famille, c'est d'abord des enfants, dit belle-maman. Mais Tahar est fils unique, ce qui est un paradoxe. Et la mère de Tahar, Samira, elle voudrait sauver l'honneur de la famille par son fils et Nina interposés. Samira, elle a une jeune sœur de 20 ans, sa cadette, qui s'appelle Fatia, qui est mariée avec un des prénommés Ahmed. Elle a 20 ans de moins que sa sœur et ils ont, avec son épouse, 6 enfants. Ah, quand même. Alors, très schématiquement, je vous parle de la kafala. La kafala, en droit marocain, apparemment, parce que je ne suis pas un juriste international, en droit marocain, et même au Maghreb, dans les autres pays, avec peut-être des différences, c'est une possibilité de confier à une famille un enfant d'une autre famille qui n'a plus les moyens de s'en occuper. C'est une procédure différente de l'adoption qui apparemment ne se pratique pas au Maroc. Et elle comprend néanmoins un transfert d'autorité parentale. Cette procédure n'est pas reconnue par le droit français. Fatia et Ahmed, afin de sauver l'honneur de la famille, décident de confier l'un de leurs fils, Tahar, un de leurs fils à Tahar et Nina. Il s'agira du petit dernier, qui d'ailleurs est très proche de Nina et Tahar. Quand ils viennent au pays, il est toujours fourré avec eux. Et lui, il est partant pour l'aventure. Après tout, je pense qu'il a déjà 6-7 ans. Il se rend compte que ça peut être pour lui une ouverture sur le monde, sur autre chose. Alors, la pauvre Nina, un avocat marron, il y en a là-bas aussi. Il lui a conseillé justement d'opter pour la kafala, mais au moment de faire valider ça par le consulat de France. On lui dit au consulat, « Chère madame, ce petit, il a un garçon, il a un papa, il a une maman. » Nous, on reconnaît pas. Et le petit Abdelkrim, je crois, est bloqué là-bas. Alors Nina va se partager entre la France et le Maroc sans arrêt. Le combat va se mener à coups de consulat, d'avocats, d'intermédiaires, de bakchiches et tout et tout et tout. Alors durant tout ce temps, Tahar est resté en France. Et un jour, il véhicule une jeune photographe, Françoise, qui lui proposera bientôt de le prendre comme modèle pour une exposition qu'elle va consacrer aux banlieues afin de lutter contre le racisme, omniprésent bien sûr, comme vous le savez. Elle est jolie, Françoise. Elle a un fils, Françoise. Est-ce qu'il devait arriver, va arriver ? Elle a un fils, Françoise. Ah, vous voulez le savoir tout de suite, mais attendez. Elle a un fils, Françoise. Elle n'a plus de mari, Françoise. Ah. On voit ce qui va arriver. Ah, va arriver, alors. On a coutume de dire que la nature est bien faite. Pourtant, il y a des sacrés ratés dans la mécanique. Hein. À moins que ce soit les humains qui n'acceptent pas la mécanique. Enfin, vouloir un enfant et ne pas voir son rêve se réaliser. Il y a de quoi être dans tous ces états. Enfin bref, j'ai pas 4 heures à ma disposition pour disserter sur le sujet. Ce livre est très nerveux, s'embarrasse pas de la page inutile. L'angoisse succède, suscitée par les protocoles de la fécondation in vitro, est très présente dans le bouquin. Les différences de culture peuvent être redoutables. Jusqu'où faut-il aller ou ne pas aller dans la réalisation de ses plus chers désirs ? L'absence aussi, toutes ces épreuves de la vie se côtoient dans ce bouquin, entre la détermination sans faille qui confine à l'entêtement et l'indécision chronique. Où se situe la sagesse, je vous le demande. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Monsieur Xavier Demoulin, j'irai sans doute un jour faire un tour dans vos précédents ouvrages. Bon, je vous en ai beaucoup dit sur cette histoire. Oui, mais pas l'essentiel. Non. N'ayez crainte, il vous en reste beaucoup à découvrir, notamment cette ambiance particulière qui règne d'un bout à l'autre du livre. Je vais quand même vous y faire goûter un chouïa. Et dans le taxi, il doit s'en passer des choses, non ? Eh bien, on va s'en aller justement dans le taxi. Alors, je vais quand même sauter de temps en temps quelques alinéas parce que... Autant. Il brûle tous les feux en direction de l'hôpital. Les mains sur le ventre, la femme crie à l'arrière. Les contractions se multiplient. Tahar s'attend à ce qu'elle accouche dans son taxi. Il tente de la rassurer. Elle souffre, s'agite, tête renversée, respire de plus en plus fort. Elle s'appelle Françoise. Elle attend un garçon. Il ne sait pas pourquoi elle est partie toute seule, ni si cet enfant a un père. Doit-il prévenir quelqu'un ? Elle pose la question sans aborder celle du mari. Elle a les cheveux courts, trempés par le stress et la souffrance. Son mascara coule sur son visage. Affolée, elle s'en remet à lui. Forcément, elle pense à Nina et espère, eux aussi partiront bientôt dans la nuit, pour mettre au monde un petit. À cette idée, il tremble, il a le ventre noué, la gorge serrée par l'enjeu. Il songe à cette rencontre, il perçoit un signe, puis refuse d'en déduire quoi que ce soit. La ville est vide, les contractions reprennent leur symphonie, rugissement de douleur, le taxi accélère encore. Il a une idée, détourner son attention, il commence à lui raconter sa vie. Il entame son récit lentement en arabe. Il raconte Nina, leur difficulté à concevoir un bébé, la guerre des hormones, la première fécondation in vitro, les dérèglements progressifs. Il évoque la pression sociale, sa famille remplie d'enfants au Maroc, la honte de ne pas pouvoir devenir père à son tour. Il évoque la douleur, les craintes, l'injustice, il raconte l'amour qui s'abîme, souffre de cette absence d'horizon. Un œil dans le rétroviseur, Tahar compte sa tristesse de toute la douceur de sa voix. Sa passagère ne crie plus, ses yeux se ferment en un soupir. Ils arrivent enfin à destination. L'équipage... Il ouvre la portière, tient la main de la femme jusqu'à ce qu'un médecin lui ordonne de rester en retrait. Résigné, le chauffeur de taxi s'écarte. L'équipage disparaît dans le hall. La passagère allongée sur un brancard, masque à oxygène sur le visage, immobile, silencieuse. Cela va bientôt faire 2 heures qu'il est là, son téléphone vibre. Je ne sais pas, chérie, je suis à l'hôpital. Non, rien de grave, j'ai conduit une femme aux urgences. Je ne sais pas ce qu'elle a. Ne t'inquiète pas, je rentre juste après. Le temps de, je ne sais pas, les papiers, tout ça, endors-toi. Demain, une grosse journée t'attend. Oui, tu as raison, on nous attend. Tandis qu'il raccroche, un homme vient à sa rencontre. C'est vous le chauffeur de taxi ? Oui. La femme que vous avez conduite jusqu'ici va bien. Elle vient de mettre au monde un petit garçon. Elle m'a demandé de venir voir si vous étiez encore là, de vous payer, de vous remercier et de noter votre numéro. Ah, ça prévoit des choses. Eh bien, je ne vous le dirai pas. Donc, si vous voulez savoir ce qui va se passer entre Tard et Françoise, eh bien, il vous faudra lire « Les hautes lumières » de Xavier de Moulin, qui a été tout spécialement choisi pour vous par Jean-Pierre. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. On les voit tous les mardis dans la rue Jules Ferry avec leur boîte à biscuits. Sans vouloir être blessant, comment vous dire monsieur, ce sont deux innocents. Personne ne connaît leur nom quand on les voit tous les deux. Quand on vive là, les amoureux. Ils s'en vont chez Ferdinand, c'est le concessionnaire de la plage Jacques Prévert. C'est un drôle de garagiste avec le cœur sur la main, comme quoi ça existe. Ça les rend tellement heureux, ça se voit dans leurs yeux. Quand Ferdinand s'écrie, voilà les amoureux. Ferdinand prête gentiment des voitures d'exposition et de fonds semblants. De s'en aller à la plage, de partir en voyage, s'évader pour de bon. Faut voir la tête qu'elle tire la fille de Ferdinand quand les clients chuchotent. V'là les amoureux. J'étais pas le dernier quand il fallait se moquer. Depuis que ma femme est partie, voyez-vous, je les envie de s'aimer simplement. Personne ne connaît leur nom quand on les voit tous les deux. Là, on dit v'là les amours. Mes voisins de palier n'ont pas froid aux yeux. Ils n'ont pas de soucis, ne tombent pas amoureux, ne se rongent pas les ongles, ne croient pas au hasard, ne font pas de promesses, de bruit, n'ont pas de sécurité sociale, ne pleurent pas, ne cherchent pas leurs clés, leurs lunettes, la télécommande, leurs enfants, le bonheur. Ils ne lisent pas, ne payent pas d'impôts, ne font pas de régime, n'ont pas de préférence, ne changent pas d'avis, ne font pas leur lit, ne fument pas, ne font pas de liste, ne tournent pas 7 fois leur langue dans la bouche avant de parler. Ils n'ont pas de remplaçant. Ils ne sont pas lèche-cul, ambitieux, rancuniers, coquets, mesquins, généreux, jaloux, négligés, propres, sublime, drôle, accro, radin, souriant, malin, violent, amoureux, râleur, hypocrite, doux, dur, mou, méchant, menteur, voleur, joueur, courageux, feignant, croyant, vicelard, optimiste. Ils sont morts. La seule différence entre eux, c'est le bois de leur cercueil, chêne, pin ou acajou. Je m'appelle Violette Toussaint. J'ai été garde-barrière. Maintenant, je suis garde-cimetière. Je déguste la vie. Je la bois à petites gorgées, comme du thé au jasmin mélangé à du miel. Et quand arrive le soir, que les grilles de mon cimetière sont fermées et la clé accrochée à ma porte de salle de bain, je suis au paradis. Ah, pas le paradis de mes voisins de palier, non. Le paradis des vivants. Une gorgée de Porto, un cru 1983, que me rapporte José Luis Fernandez chaque 1er septembre. Un reste de vacances versé dans un petit verre en cristal, une sorte d'été indien que je débouche vers 19h, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Deux dés à coudre de liquide rubis, le sang des vignes de Porto. Je ferme les yeux et je savoure. Une seule gorgée suffit à égayer ma soirée. Deux dés à coudre parce que j'aime l'ivresse, mais pas l'alcool. J'ai été malheureuse, anéantie même, inexistante, vidée. J'ai été comme mes voisins de palier, mais en pire. Mes fonctions vitales fonctionnaient, mais sans moi à l'intérieur. Sans le poids de mon âme, qui pèse, paraît-il, que l'on soit gros ou maigre, grand ou petit, jeune ou vieux, 21 grammes. Mais comme je n'ai jamais eu le goût du malheur, j'ai décidé que ça ne durerait pas. Le malheur, il faut bien que ça s'arrête un jour. Ainsi commence « Changer l'eau des fleurs », un livre de Valérie Perrin. Donc Violette, Violette Toussaint, un nom prédestiné, a commencé sa carrière comme garde-barrière et la termine comme garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Elle y vit entourée de ses amis. Alors il y a Nono, qui est la joie de vivre personnifiée, Gaston, qui comme son nom le laisse entendre, est particulièrement maladroit, et Elvis, qui est un fan de Presley. Donc tous les trois sont les fossoyeurs du cimetière, et tous les trois sont des amis de Violette. Et puis il y a aussi Pierre, Paul, Jacques, Lucchini, ce sont les trois frères qui gèrent les pompes funèbres. Et puis, il y a le père Cédric Duras. Alors, il est tellement beau que il y a beaucoup plus de monde à l'église le dimanche, surtout des femmes. Et donc, Violette est une enfant née sous X. D'où lui vient son prénom ? Ben, c'est bien simple, de la couleur qu'elle avait quand elle est née. Ah. Elle pesait 2,6 kg, elle était toute violette. Alors, on l'a posée sur un radiateur le temps de faire la déclaration de décès. Mais tout d'un coup, elle est devenue toute rose. On s'est rendu compte qu'elle n'était pas morte et qu'elle était vivante. Mais on n'a pas changé le prénom, on aurait pu l'appeler Rose au lieu de Violette, mais on a laissé Violette. Et puis, donc, on lui a donné comme nom Traînée. Elle s'appelle Violette Traînée. Et elle n'a jamais été adoptée, elle n'a jamais su qui étaient ses parents, et elle est passée de maison, enfin de famille d'accueil en famille d'accueil. Et puis un jour, elle a rencontré le grand amour en la personne de Philippe Toussaint, qui était un grand et beau garçon. Toutes les filles lui couraient après. Violette, elle était barmaide. Et puis quand elle l'a vu, tout de suite elle a compris que c'était le grand amour de sa vie. Et a priori, lui aussi, il s'est détourné de toutes ces filles qui lui couraient après pour se consacrer à Violette. Il l'a épousée, ils se sont retrouvés garde-barrière, parce qu'il faut bien travailler. Enfin, c'est surtout Violette qui travaille, hein, parce que Philippe, lui, il aime bien faire de la moto. Et puis jouer aux jeux vidéo. Ah. Et donc, ils sont payés tous les deux comme couple de garde-barrière, mais il y a qu'elle qui travaille. Mais c'est pas grave, parce qu'elle a fait ça toute sa vie, elle se contente de peu, hein, comme on dit. Et puis, ils font un enfant, Léonine, une petite fille. Alors là aussi, c'est surtout Violette qui s'en occupe. Voilà. Et puis, donc, un jour, garde-barrière, c'est bien tant qu'il y a des barrières qui soient manuelles, mais quand elles deviennent automatiques, il faut chercher du boulot ailleurs. Et donc, notre Violette, elle s'est retrouvée garde-cimetière. Et elle décrit cet univers en compagnie de donc Nono, Gaston, Elvis, Pierre-Paul, Jacques et le père Cédric. Et cette vie, elle est incroyable parce que elle est au cœur des émotions du monde. Elle est auprès de ceux qui ont le plus grand chagrin qu'on puisse imaginer. Mais en fait, elle est incroyable, cette Violette. Elle est incroyable et elle sait accueillir, elle sait trouver les mots, elle sait faire un thé quand il faut faire un thé, un café quand il faut faire un café, parler quand il faut consoler, se taire quand il faut simplement écouter. Et la vie comme ça se déroule. Mais en filigrane, on sent qu'il y a bien, il y a quelque chose. Son mari a disparu du jour au lendemain. Bon, au début, elle ne s'est pas inquiétée, c'était souvent qu'il partait en virée. Mais au bout quand même de quelques semaines, quelques mois, elle est allée quand même signaler que son mari avait disparu. Et elle continue sa petite vie. De toute façon, ça devenait infernal avec lui, c'était aussi bien qu'il disparaisse. Et puis un jour, arrive un homme. Un prénommé Julien Seul. Ah. Le gars, il est commissaire de police. Mais c'est pas pour des raisons professionnelles qu'il vient voir Violette. C'est parce qu'il a eu la surprise, après le décès de sa maman, de découvrir qu'elle souhaitait être incinérée et que ses cendres soient déposées sur la tombe d'un certain Gabriel Prudent, qui est enterré au cimetière de Brancion-en-Chalon, le cimetière de Violette. Donc, lui ne comprend pas pourquoi sa mère ne veut pas être enterrée avec son père, mais avec un autre homme, et qui était cet homme. Et il vient se renseigner, donc Violette lui dit « Oui, je vais vous montrer la tombe de ce monsieur ». Et Violette, elle tient une chronique du cimetière. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un enterrement, elle prend des notes. Parce qu'elle se dit, la famille, ça peut être sympa après d'en parler. Et donc, elle raconte à Julien l'enterrement du monsieur en question, comment ça s'est passé. Et lui va essayer de comprendre quel était le lien entre sa mère et cet homme qui était avocat, un grand avocat. Et nous aussi, on va découvrir. Mais en filigrane, il y a un truc. Il y a un truc, on sent bien que si elle est là, c'est pas pour rien. Il faut quand même attendre la moitié du livre, et c'est un livre de 600 pages, hein, pour comprendre pourquoi elle est là, comment elle est arrivée là, et qu'est-ce qui a bouleversé sa vie et qui fait qu'elle est là. C'est vraiment un livre, je vous assure, c'est un gros, gros, gros coup de cœur, parce que c'est un univers très particulier que celui de Violette. C'est cette façon qu'elle a de changer les choses, les gens, de les toucher. Et puis c'est merveilleusement bien écrit. Enfin, l'auteur a le sens de la formule, des clins d'œil. Enfin, je ne vous cacherai pas qu'on pleure. Mm-hmm. Moi, j'ai sangloté plusieurs fois en lisant ce livre. Mais le reste du temps, on sourit. Et franchement, y a des moments qui sont drôles. Et enfin, il faut quand même attendre les toutes dernières pages pour comprendre le pourquoi du comment de toute cette histoire et de comprendre vraiment qui est Violette et qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc, je vous propose de changer l'eau des fleurs dès que possible en compagnie de Valérie Perrin, parce que franchement, elle le vaut bien. Oh mon jardin d'eau fraîche et d'ombre, ma danse d'être mon cœur sombre, mon ciel des étoiles sans nombre, ma barque au loin douce à ramer. Heureux celui qui devient sourd au chant s'il naît de son amour, aveugle au jour d'après son jour, ses yeux sur toi se le fermer. Heureux celui qui meurt d'aimer, heureux celui qui meurt d'aimer. D'aimer si fort, ses lèvres closes, qu'il n'ait besoin de nulle chose, hormis le souvenir des roses, à jamais de toi parfumées. Celui qui meurt, mais ma douleur, à qui sans toi le monde est leur, et n'en retient que tes couleurs, il lui suffit qu'il t'ait nommé. Heureux celui qui meurt d'aimer, heureux celui qui meurt d'aimer. Mon enfant, dit-il, ma chère âme, le temps de te connaître, ô femme, l'éternité n'est qu'une pâme au feu dont je suis consumé. Il a dit aux femmes, et qu'il taise, le nom qui ressemble à la braise, à la bouche rouge, à la fraise, à jamais dans ses dents formées. Heureux celui qui meurt d'aimer, heureux celui qui meurt d'aimer. Il a dit aux femmes et s'achève, ainsi la vie, ainsi le rêve, et soit sur la place de grève ou dans le lit accoutumé. Jeunes amants, vous dont c'est l'âge, entre la ronde et le voyage, fous, ces parions qui se croient sages, criez à qui vous veut blâmer. Heureux celui qui meurt d'aimer, heureux celui qui meurt d'aimer. Attendez une minute. Vous soupçonnez qui? Aucun d'entre eux. Tous. L'énigme restera entière. Tu ne connais pas les membres de ma famille. Tu n'as pas idée de quoi ils sont capables. C'est monstrueux. Côté polar. Eliane a parfois de drôles d'amis. Oui, tout à fait. Et ce livre qui s'appelle Mon amie Adèle, je ne vous conseille pas de trouver une dame qui s'appelle Adèle et qui veut être votre amie. Parce que vraiment, vraiment. Donc c'est un livre de Sarah Pinborough, qui est une dame qui travaille, qui est scénariste à la BBC, qui a écrit des livres pour des ados et qui a écrit ce livre qui n'est pas vraiment un roman policier, c'est vraiment un thriller. Je prononce bien l'anglais aujourd'hui. C'est un frissonneur. Ouais. L'écriture de ce livre est construite avec des paragraphes. Alors il y a ceux qui sont avant l'histoire, ceux qui sont pendant, maintenant, après. On passe d'un personnage à l'autre. Et les personnages de ce livre, je vais vous en parler un petit peu. Il y a Louise, qui est une mère célibataire qui est très heureuse de sa situation. Son fils, qui s'appelle Adam, est très mignon. L'homme avec qui elle l'a fait est très gentil, vient le chercher régulièrement. Il s'est remarié avec une femme dont il attend un autre enfant, mais ça se passe très très bien. Et un soir, elle sort, elle embrasse un homme dans un bar. Il n'y a pas eu plus parce que c'était pas très confortable, mais il aurait pu. Sans savoir que cet homme, c'est son nouveau patron. Ah, Dame Ned. Voilà. Donc il y a David, qui est un psychiatre renommé, complètement dévoué à sa femme. Il regrette ce baiser, mais il ne peut pas s'empêcher de repenser à cette femme. Et je pense bien qu'il est tombé amoureux tout de suite. Et il y a Adèle, qui est l'épouse de David. Elle semble n'avoir aucun défaut, cette femme, si ce n'est de vouloir à tout prix devenir l'amie de Louise. Elle est au courant ou... C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas. Alors, Louise, elle est fascinée par ce couple modèle et elle se retrouve malgré elle piégée au cœur de ce mariage. Mais peu à peu, elle va trouver des drôles de failles. David est-il vraiment l'homme qu'il prétend? Adèle est-elle aussi vulnérable qu'elle le pense? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Surtout, surtout, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas chez Adèle. Parce que quand on lit les choses de avant, on se demande si elle n'est quand même pas très très perturbée. Et son obsession à Adèle, c'est vraiment son mari. Elle ne vit que pour lui. Elle est amoureuse de lui, c'est extraordinaire. Est-elle folle? Est-elle une victime de cet homme? Je vous envoie un petit extrait qui ne va pas vraiment vous renseigner sur ce fait-là, mais... Elle ne travaille que 3 jours par semaine, ce qui lui laisse du temps pour faire des trucs filles, de la gym. Elle pourrait l'aider à perdre des kilos en trop. Louise, elle parle de Adèle qui lui dit ça. Ça serait bien, je peux pas me permettre. Mes cheveux ou mes vêtements sentent la cigarette. Ça nous trahirait. David comprendrait que j'ai une nouvelle amie, se dit Adèle. Parce que David, il fait très attention aux gens que fréquente sa femme. Nous pourrions boire du vin dans le jardin, ensemble. Et puis, elle écrit un peu plus loin, « Ça a été un jeu d'enfant de tomber sur elle », dit Adèle en parlant de Louise. Grâce au plan que David avait rapporté de la maison, visiblement annoté grâce à elle, puisqu'elle travaille avec David et à sa connaissance du quartier, j'ai fait des repérages dimanche après-midi, pendant que nous roulions dans le coin. Passant devant chaque endroit marqué, voyant comment des jolies boutiques se transformaient en l'espace de quelques rues, en bazar minable, en magasin, aux vitrines remplacées par des planches. Le passage souterrain où personne, à part les junkies, n'oserait se risquer. J'ai lu la note de David accolée à l'endroit. Après, c'était simple. Une collision fortuite. Elle ne s'est doutée de rien. Puisque Adèle... pour faire connaissance avec Louise, elle lui est rentrée dedans. C'est un peu radical comme moyen. Sur le trottoir, comme ça, puis alors voilà. Et alors justement, un jour, ça ne va plus du tout, et elle dit à David, parce que c'est vrai qu'elle se sent mal à l'aise d'être la meilleure amie d'une femme dont le mari est son amant quand même. Et elle lui dit, mais tu sais, ta femme, c'était un matin, je venais de déposer Adam à l'école. Elle revenait du cabinet où elle t'avait accompagné. Je l'ai heurtée par inadvertance, dit Louise. J'ai l'impression que c'était hier, en même temps, ça me paraît si loin. David secoue la tête et esquisse un sourire. Quoi? Et là, il la regarde droit dans les yeux. Mais son visage est dans l'ombre. Son regard, lui, comme du verre dans l'obscurité. Sa voix est désincarnée. Ma femme ne m'a jamais accompagné au travail. Je te crois pas. Je crois plus rien de ce que tu me dis, de toute façon. Et d'un coup, elle se dit, oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Parce que Adèle lui raconte des choses, David lui raconte des choses contradictoires. C'est pas possible, c'est pas possible. Ne le crois pas, ne l'écoute pas. Tu sais ce que tu sais. Les cachets, les appels, tu sais qu'il picole. Tu sais, pour l'argent, il lui prend tout son argent. Le dossier au bureau, tu sais qu'il lui donne plein de cachets à prendre. Tout ça, c'est du solide. Des preuves. Et il vient juste de te menacer, en plus. Et c'est là l'ambiguïté des choses. C'est qu'on ne sait plus à qui vraiment il faut croire. Si c'est Adèle qui raconte vraiment les vraies choses, David ou Louise, parce que Louise, elle se fait manipuler par cette femme, mais d'une façon inouïe. Elle arrive à détester cet homme, pourtant elle est très amoureuse de lui. Alors l'emprise d'Adèle, parce que c'est vraiment une emprise, sur Louise est incroyable. Louise, elle sent bien qu'il y a quelque chose de bizarre chez cette femme, mais elle est tellement belle, elle est tellement seule, tellement fragile. C'est peut-être David le coupable dans tout cela. Elle raconte à Louise que David a fait. Par exemple, un jour, elle lui dit, il a tué un chat en lui écrasant la tête avec son talon. Sauf que David lui dit, un jour Adèle a tué le chat de la voisine en lui écrasant la tête avec son talon. Ah, où est la vérité? Louise aime David, mais alors? Et c'est là qu'elle a fait... Ce qui est extraordinaire, c'est que la fin est quand même un peu étrange. Moi, ça m'a un peu perturbée. Parce qu'il y a des histoires, cette femme qui fait... qui a un livre qui explique un peu les rêves. Quand on rêve à des choses qui font peur, il faut regarder la pendule, se réveiller, regarder la pendule, regarder ses doigts, ne pas ouvrir spécialement les portes et tout ça. Que Louise, elle s'en mêle les pinceaux dans cette psychiatrie à deux balles. Enfin, bref. Donc, je vais vous lire un tout petit peu, là. C'est 307. Excusez-moi, c'est 307. C'était un matin, je venais... Ben non, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc... Elle va sur Internet, Louise, et elle essaye de trouver des choses dont lui a parlé David. En particulier, il dit qu'il avait eu une petite histoire avec une femme qui s'appelait Marianne, il avait dit son nom et tout, et elle retrouve cette femme. Et ce que lui raconte cette femme ne lui fait pas penser que c'est David qui se trompe, mais plutôt Adèle. Il faut vous dire qu'Adèle, lorsqu'elle était jeune... Elle était très très riche. Ses parents sont morts dans un incendie. Et c'est David qui l'a sauvée de l'incendie. Mais qui est-ce qui a mis le feu à cette maison? Et Adèle dit à Louise que tous les sous qu'elle a, c'est David qui s'en occupe. Parce que pourquoi lui prend-il tous ses sous? Et puis il y a des choses bizarres. Et plus on avance, plus il y a des choses bizarres. Et à la fin, c'est encore plus bizarre. Mais alors, le pouvoir d'une femme sur une autre... par son unique volonté. Et alors, elle a des réponses à tout, tout, tout, tout, tout. C'est assez angoissant, à vrai dire. Mais bon, ça devrait pas trop mal se finir. Sauf que, il y a deux ou trois petits trucs, moi, qui m'ont un peu perturbée. Donc, je vous laisse être perturbée comme moi. Alors, on a bien compris qu'on ne tient pas du tout à rencontrer ton amie Adèle. Non. Mais on veut bien lire le livre. Oui, puisque... oui, oui. Mais c'est assez fascinant, le pouvoir de certaines personnes sur d'autres. C'est vraiment... Ça s'appelle donc « Mon amie Adèle » et c'est un livre de Sarah Pinborough, recommandé par Eliane. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. J'habite une ville nouvelle, je suis jogger militant. Elle est plus propre que belle, on confond les deux souvent. Sur la piste, je tourne autour du lac artificiel. Je poste, on like mon parcours, est-ce que c'est bien réel? J'accélère le rythme, sentir cogner dans ma poitrine. Je cours un peu plus vite que mon cœur enfin tambourine. Palpite, marathonien, à la petite semaine. Marathonien, un peu à la traîne. J'aime voir cavaler les nouveaux après les fêtes de fin d'année. Ils s'entraînent comme des pros jusqu'à presque mi-janvier. Parfois une jolie athlète ravive les forçats du sentier. On bombe le torse, relève la tête, on est des lévriers. J'accélère le rythme, sentir cogner dans ma poitrine. Je cours un peu plus vite que mon cœur enfin tambourine. Palpite, petite semaine, marathonien, un peu à la traîne. Après la course, je fais les courses, immobile sur l'escalator. Je déambule, je me ressource, m'interroge sur mon sort. Je prends du savon au romarin, dans un faume provençal. Du centre commercial voisin, aux majestés de cathédrale. J'accélère le rythme, sentir cogner dans ma poitrine. Je cours un peu plus vite que mon cœur enfin tambourine. bite, marathonien, à la petite semaine, marathonien, un peu à la traîne, marathonien, marathonien quand même. Avant de partir en vacances, on fait la valise et il y a ce moment absolument délicieux où on choisit les livres que l'on va lire pendant l'été, que l'on va lire sur la plage, que l'on va lire en montagne, que ou bien aussi chez soi. Chez soi, ça oui. Peut être chez soi. Alors Eliane, qu'est-ce que tu nous conseilles de lire? J'avais fait un petit récapitulatif des livres que j'avais présentés, mais il y en a certains que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimés. Le froid modifie la trajectoire des poissons de Pierre Sarnowski, c'est bien. C'est oui, vraiment très, très bien. Présenté. C'est pas un policier, mais c'est une très, très belle histoire. Ça nous a été recommandé également par une de nos fidèles auditrices. Et aussi, Dans l'ombre du jaguar. C'est un très beau livre d'aventure. Vous savez, où il y a cette recherche de médicaments, plus ou moins. Et ah oui, gens, oui, oui, oui. C'est très bien. C'est d'Éric Ossane et Thierry Vielle. Et moi, j'ai beaucoup aimé le livre d'Evelyne Bizier et de Caroline Laurent qui s'appelle « Et soudain, la liberté ». C'est vraiment c'est un beau livre de femmes. C'est, bon, après, il y a les livres plus... Hein, les livres policiers. Mais « La jeune fille et la nuit » de Guillaume Musso. Très bien. Très bien. Tu m'avais incité à le lire et je n'ai pas regretté. Et « Monsieur est mort », que j'ai présenté il y a 15 jours, bien aussi. Mm-hmm. Et puis, bien sûr, qui a tué l'homme crabe? Mais je pense que ça ne plairait pas à tout le monde. Tu es sûr que c'est l'homme crabe? Qui a tué l'homme crabe? Oui. Omar. Ah, purée, j'ai encore écrit crabe. Et c'est incroyable. À chaque fois, j'écris crabe. Oui. Parce qu'il a les doigts, la main en forme de pince. Donc, pour moi, pince égale crabe. Mais je crois l'homme... bien que c'est l'homme Omar. Oui, oui, tu as raison, c'est l'homme Omar. Mais particulier. Hein. Moi, je comprends que les gens n'entrent pas là-dedans. Mm-hmm. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Quelqu'un à qui parler aussi, c'était bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait? Sinon, les autres, c'est des livres policiers. Mais bon, pour les vacances, c'est peut-être un peu lourd. Des choses plus légères. Oui, oui, il faut des choses un peu plus légères. Alors, dans les choses un peu plus légères, Jean-Pierre. Plus légères, j'ai lu un roman érotique, je vais vous dire. Si vous avez envie de vous évader. Vous verriez ses yeux. C'est Anouk Laclos qui a écrit ça. C'est un pseudonyme, on comprend quand même pourquoi. Et... C'est la copine à Chauderlot. Alors, elle est pas jeune, alors. Alors, ça s'appelle comment? Oui, mon cher stagiaire. Et bon, bah, c'est l'histoire du... Enfin, je veux dire, les personnes les plus horribles ne sont pas forcément celles que l'on croit. Hein. Mm-hmm. Parce qu'il y a quand même autre chose aussi que... Et alors, c'est gentiment érotique ou torridement Ah, ben, bah, il y a du gentiment érotique. Et puis, parfois, il y a des passages chauds. Alors, si vous voulez, je peux vous donner les pages. Et puis, autrement, je voudrais profiter des vacances pour lire local. Hein, si vous allez sur le plateau de la Margerie, de Varvéjol, lisez de la documentation sur la bête du Gévaudan. Ça, vous êtes dans l'ambiance. Si vous êtes dans les murs de Saint-Malo, lisez des histoires de corsaires, ouais. Surcouf, du Guétrouin. Si vous êtes, si vous êtes à Douarnenez, l'épopée de la sardine. Mais faites local, vous verrez, c'est un petit peu comme les vins de pays. Hein. On les déguste sur place. Si on revient, on les ramène à la maison, c'est pas pareil. Il faut les lire sur place. C'est vrai qu'il y a souvent des petites maisons d'édition qui font des choses comme ça intéressantes. Et en effet, ça peut être un bon moyen. Alors, moi, j'ai pioché dans les livres qui sont recommandés par le Club Lecture de l'excellente bibliothèque Les Jacobins, de Fleury Les Aubrais. Donc, il conseille Grâce de Paul Lynch, qui est un roman d'un auteur donc irlandais et qui se passe pendant la Grande Famine. Le tour de loi d'Héry de Lucas, l'auteur invente pour une soirée et une nuit le fils qu'il n'a pas eu et avec qui il dialogue. Cette nuit de Joachim Schnerf. C'est un vieil homme qui se prépare à recevoir sa famille pour la Pâque juive, mais le cœur n'y est pas parce que sa femme adorée est morte 2 mois plus tôt. Et a priori, Edith nous dit que c'est un livre magnifique. À l'orée du verger de Tracy Chevalier, c'est la vie rude de quelques pionniers qui s'installent dans l'Ohio pour y planter des fruits, des arbres fruitiers. Et le roman montre le quotidien très difficile de ces familles. Alors, un livre que je vous avais présenté il y a quelques mois, Venise n'est pas en Italie. Nul besoin d'être à Venise ni en Italie pour le lire. Hein. Ça, c'est l'histoire d'un jeune garçon de 15 ans qui est fou de joie après avoir accepté l'invitation de la fille qu'il aime à venir l'écouter en concert à Venise. Malheureusement pour lui, sa famille très excentrique décide de l'accompagner. Et c'est le début des soucis. Et puis, toujours dans la rubrique Les choses un peu déjantées, Mamie Lugère de Benoît Philippon, ah oui, dont nous avons parlé, hein, cette fameuse mamie qui tire sur tout ce qui bouge. Voilà. Toute la lumière que nous ne pouvons voir d'Anthony Doer, un roman historique sur la libération de Saint-Malo, donc on peut le lire à Saint-Malo, mm-hmm, mais aussi ailleurs. Battement d'ailes de Milena Agus, une galerie de personnages fantasques en quête de bonheur. Et puis, Tant qu'il y a de la vie, d'Hendrik Groen, un regard lucide et humoristique sur la vieillesse et le monde d'aujourd'hui. Et puis, ben, tous les livres que nous vous avons présentés au cours de cette saison, vous pouvez vous y replonger. Alors, avant de se quitter, on va quand même donner quelques idées de sortie. Je vous rappelle que samedi, place de la Bascule, il y aura donc Florilivre proposé par deux associations, Chapitre 2 et Manao Manga. Donc de 10h à 20h, vous pourrez y acheter des livres de seconde main, mais en très très bon état. Et puis il y aura différentes choses proposées pour les enfants. Et les estivales de Lamballe vont débuter la semaine prochaine. Du 10 juillet jusqu'au 27 juillet, les mercredis, vendredis et samedis, il y aura donc différentes animations, des contes, des activités sportives, des jeux, des concerts, de la danse en ligne. Il y aura initiation au rugby, il y aura initiation à la pétanque, au tennis, il y aura des veillées, il y aura également des musiques. Alors c'est intéressant, oui, tous les samedis soirs vous aurez un concert. Alors, tous les mercredis et les vendredis, de 17h à 18h, les bibliothécaires racontent des livres aux enfants. Et puis tous les samedis, à 20h30, il y a un concert. Alors le 13 juillet, c'est un concert à danser de musique du monde avec Tony Forman. Le samedi 20 juillet, ce sont des musiques métissées avec le groupe Zoréol. Et le samedi 27 juillet, c'est un concert pop-rock avec Yavanna, Jazzy 80s et Chris Hansen, qui sont des artistes qu'on connaît bien sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis, donc, il y a des tas de choses. Vous pouvez retrouver toute la programmation au fur et à mesure des semaines sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis aussi sur le site de la ville de Fleury-les-Aubrais. Jean-Pierre, nous sommes à la bourre, comme chaque fois. Tu peux nous donner les musiques que nous avons entendues aujourd'hui? Eh bien, écoute, on a fait dans le grandiose. On a commencé par l'hymne à la joie, bien sûr, notre hymne européen. Et puis, on a eu du solide. On a eu notre Jean Ferrat, qui nous chantait une belle chanson, heureux, celui qui meurt d'aimer. Et puis, on a eu des plus jeunes, mais qui vont très bien. On a eu Lily Crow et Thierry Chazelle, les amoureux. Et puis, on a eu Benabar, le marathonien. Voilà. Donc vous voyez, votre été, il est bien engagé, vous aurez plein de choses à faire. Et surtout, n'oubliez pas le concert du vendredi 12 juillet, que j'ai omis de signaler, à 19h30, c'est l'harmonie intercommunale Fleury-Saran qui jouera de la musique à danser dans le parc de Lamballe. Nous vous souhaitons un excellent été. De très bonnes lectures, reposez-vous bien, déstressez-vous, profitez bien, prenez du bon temps. Et s'il faut ranimer la flamme, lisez le livre recommandé par Jean-Pierre. Je rappelle, mon cher stagiaire. Mon cher stagiaire, oui. Voilà. Parce que quand il parle d'érotisme de ce livre, il faut voir les yeux qu'il fait. Les yeux qui brillent. Eh bien, nous nous retrouverons donc en septembre pour une nouvelle saison. Mais en attendant, nous vous souhaitons un merveilleux été. Au revoir. Salut à tous. Bye bye. Et je passe le relais à Violette pour traditionnel. Yeah.